بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô toi qui te couvres de ton manteau. قم فأنذر. Lève-toi et avertis. وربك فكبر. La grandeur de ton Seigneur, exalte-la. وثيابك فطهر. Tes vêtements, purifie-les. والرجز فاهجر. L'idolâtrie, éloigne-t'en. ولا تمنن تستكثر. Ne te targue pas d'avoir beaucoup donné, en espérant recevoir davantage en retour. ولربك فاصبر. Pour ton Seigneur, sois patient. فإذا نقر في الناقور. Lorsqu'il sera soufflé dans le corps. فذلك يومئذ يوم عسير. Ce sera alors l'avènement d'un jour très pénible. على الكافرين غير يسير. Nullement aisé pour les mécréants. ذرني ومن خلقت وحيدا. Laisse-moi avec celui que j'ai créé et scellé. وجعلت له مالا ممدودا. Puis à qui j'ai dispensé de larges biens. وبنين شهودا. Des enfants toujours à ses côtés. ومهدت له تمهيدا. Et devant qui j'ai rendu facile le chemin. ثم يطمع أن أزيد. Livré à sa convoitise, il espère que je lui donnerai davantage. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. Non, il n'en sera rien, car il rejetait nos signes avec une telle opiniâtreté. سأرهقه صعودا. Je l'épuiserai en lui faisant gravir les montées les plus abruptes. إنه فكر وقدر. Il réfléchit et prit sa décision. فقتل كيف قدر. Puisse-t-il donc périr, quelle façon il a de décider. ثم قتل كيف قدر. Puisse-t-il donc encore périr, quelle façon il a de décider. ثم نظر. Puis il regarda autour de lui. ثم عبس وبصر. Fonça les sourcils et s'assombrit. ثم أدبر واستكبر. Puis se détourna, dédaigneux. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. Ce n'est là, dit-il, que magie qui se transmet. إن هذا إلا قول البشر. Ce n'est là que parole humaine. سأصليه سقر. Je le ferai brûler dans le feu de Saqqar. وما أدراك ما سقر. Et qui ne fera jamais savoir ce que c'est que Saqqar. لا تبقي ولا تذر. Un feu qui n'épargne et ne laisse rien. لواحة للبشر. Et qui calcine la chair des hommes. عليها 19. 19 anges y montent la garde. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à Saqqar? Je le ferai brûler dans le feu de Saqqar. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que Saqqar? Saqqar est certainement l'un des plus grands périls. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à Saqqar? Je le ferai brûler dans le feu de Saqqar. Et qui te fera jamais savoir ce que c'est que Saqqar? Saqqar est certainement l'un des plus grands périls. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à Saqqar? Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à Saqqar? Est-ce qui vous a conduit jusqu'à Saqqar? Que oui, par la lune. Par la nuit quand elle se retire. Et l'aurore quand elle se dévoile. Saqqar est certainement l'un des plus grands périls. Un avertissement adressé aux humains. Et à qui parmi vous veut aller au-devant des ordres de son Seigneur ou préfère rester en arrière? Chaque âme doit assumer la charge de ce qu'elle a fait. Excepté les gens de la dextre. Qui seront dans des jardins et s'interrogeront mutuellement. À propos des scélérats. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à Saqqar? Nous n'étions pas du nombre de ceux qui accomplissent la prière, répondront-ils. Nous ne donnions pas à manger aux pauvres. Et nous nous engagions dans des discussions futiles avec ceux qui s'y engageaient. Et nous tenions pour mensonge le jour de la rétribution. Jusqu'à ce que nous parvint la grande certitude. L'intercession des intercesseurs ne leur sera pas utile. Qu'ont-ils donc à se détourner du rappel? كأنهم حمر مستنفرة. Elles des ânes sauvages qui dans leur panique. فرت من قسورة. Fuit devant un lion. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. Chaque individu parmi eux voudrait recevoir des feuillets spécialement déployés pour lui. Non, plutôt ils ne redoutent pas l'autre monde. Non, ceci est un rappel. Alors, s'en souviendra qui voudra. Mais ils ne s'en souviendront que si Allah le veut. Lui, le seul digne d'être craint, lui, le plus digne de pardonner.